Aïe aïe aïe, oulala, on a mis le générique de fin avant de dire au revoir, ça ne va pas du tout. Du coup, ça veut dire que... Eh ben, on dit au revoir, puisque c'était la dernière émission, la plus longue de toute l'histoire de Radio Cayenne. 23 heures de diffusion, pour vous, les cailloux. Eh bien, du coup, on reprend, on ne sait pas encore tout à fait quand, peut-être en fin août pour l'anniversaire de la radio, peut-être pas, on ne sait pas encore. Mais normalement, septembre, on doit être de retour. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. Merci pour celles qui nous ont supportés pendant de longues heures, qui sont endormis devant leur PC et tout ça. Et oui, on a hâte de recommencer, on l'espère, fin août. Donc oui, c'est les vacances... Et bah décidément, les vacances pour certains, certaines, le travail pour d'autres saisonniers. On espère revenir en septembre, ça va passer très vite, on pense. Avec plein d'idées, plein de patates, plein de motivation. Et aussi avec les auditeuristes, des nouveaux, des nouvelles, des anciens, les fidèles, les pas fidèles, les gens qui ont envie, ceux qui n'ont pas envie, qui tombent dessus par hasard et en fait qui restent. Enfin, tout le monde quoi, tout le monde. Voilà, j'ai envie de dire nique la police, nique la justice, nique l'état colonialiste, nique tout ça, nique leur monde de merde, et des bisous. C'est fini. Cayenne. Captivité pas bon. Cayenne. Tentative d'évasion. Cayenne. La prison quadrillée. Cayenne. Niquée par les képis. Cayenne. Des matons, des catis. Quasiment déphasé. Plaidoirie kamikaze. Cayenne. L'avocat dégoûté. Cayenne. Lui manquait quelques cases. Cayenne. Système pénitentiaire, condamner l'accusé, à purger l'eau de peine.